Autrement le rap, ça donne quoi en ce moment? Ça avance. Bien, bien, nouveau texte, tout ça? Ouais. Tu veux pas en faire ton dernier, là, comme ça? Moi, j'ai pas de tempo. Attends, c'est pas un problème, si tu veux, je te fais un beatbox, hein. Ok, on y va. Hey, wack! Assiste au comeback de la Black Sista. Sans la mesure, j'assure un hein, représente ma mafia. Tressé, rien ne peut stopper mon avancée. Les MC sont blessés à mort, mon style est amorcé. Une meuf qui déchire sur le beat, ça fait malin. Hein. Après ma prestation, les misogynes jouent plus les malins. Sœur noire, Black Sista, j'insiste, je fais pas de blague et si t'as pas compris, je persiste à montrer que mon rap consiste à foutre des claques. Tu vois, mon style fait des sévices et si t'as pigé gars, hasta la vista.